Bientôt nous sommes dans les terrains déserts qui séparent Fès-le-Neuf de Fès-Bali, Fès-le-Vieux, où nous devons habiter. Là, nous marchons sur de grosses pierres inégales, sur des têtes de roches arrondies, polies par le frottement séculaire des pieds des hommes et des pattes des bêtes. Nous cheminons au milieu de fondrières, de cavernes, de cimetières vieux comme l'islam, de monticules pierreux couverts de cactus et d'aloès, de koubas, qui sont des chapelles mortuaires pour les saints, surmontées de dômes et ornées d'inscriptions en mosaïque de faïence noire. Au faîte d'un grand rocher, une de ces koubas se dresse très haute et vaste presque autant qu'une mosquée. Des femmes couronnent ces vieux murs comme des oiseaux posés sur des ruines et nous regardent par les fentes de leurs voiles. Tous leurs yeux peints sont laissés vers nous. Au-dessus encore, à la pointe du dôme, une grande cigogne immobile qui nous regarde aussi complète cet échafaudage extraordinaire. Et derrière la kouba, deux palmiers montent tout droit, tout raides, comme des plantes en métal. Leurs bouquets de plumes jaunies, au bout de leur interminable tige, se détachant en clair sur le ciel toujours noir. Au moment où nous passons, un « you, you, you » rapide et comme furieux tombe en notre honneur des murs de cette kouba, les femmes écartant toutes leurs voiles sur la bouche pour être mieux entendues. Et comme nous levons la tête pour les voir, nos chevaux font un brusque écart. Nous croyons à quelques bêtes mortes en travers du chemin, mais non, devant leurs pieds, au milieu de la route, un trou béant, assez large pour y disparaître et au ras du sol, sans le moindre rebord, donnant accès, comme une clé de voûte ouverte, dans un de ces grands souterrains appelés silos que l'on creuse au Maroc pour cacher du blé ou de l'orge en cas de guerre ou de famine. Alors je comprends cette expression marocaine « tomber dans un silo » qui signifie se laisser prendre dans un piège d'où il est impossible de sortir. Fès-le-Vieux est devant nous. Même muraille effrayante, lézardée de haut en bas, même créneaux ébréchés. Une triple porte ogivale, contournée, épaisse, profonde, en tout semblable comme dessin à celle de la forteresse de l'Alhambra, nous donne accès dans cette ville infiniment vieille et infiniment sainte. D'abord, c'est une longue rue sinistre, entre deux hauts murs crevassés et noirâtres, qui ne sont égayés d'aucune fenêtre. De loin en loin, seulement, des trous grillés, par où des perdus nous regardent. Puis, un coin de bazar couvert, bazar sauvage, qui sent déjà le soudan noir, et tout de suite après, nous nous enfonçons dans un quartier de jardin. Là, c'est sous une autre forme, la même extrême tristesse. À la file maintenant, à la queue-leu-leu, nous circulons dans un dédale de petits couloirs qui tournent perpétuellement sur eux-mêmes, si étroits que, de droite et de gauche, nos genoux en passant touchent les murs. Des vieux petits murs bas, en pisé, fendillés de soleil et garnis de lichens jaunes, par-dessus lesquels passent des palmes, des branches charmantes d'oranger en fleurs. Les soldats rouges, qui veulent absolument nous escorter quand même, se font piétiner, écrasés par nos chevaux, lesquels pataugent dans une boue noire, gluante comme celle de Ksar el-Kébir. Et dans le labyrinthe de ces couloirs, il y a à peine, de loin en loin, quelques petites ouvertures, verrouillées et grillées. On ne s'explique pas très bien comment on peut pénétrer dans ces jardins mystérieux, ni comment on peut en sortir. Enfin, notre guide nous arrête devant la plus vieille des portes, la plus étroite et la plus basse, percée dans le plus vieux des murs. On dirait une entrée de cabane à lapins, et même a-t-on l'impression d'arriver chez des lapins très pauvres. C'est bien là, cependant, que le ministre, ambassadeur et sa suite vont être logés. Je regrette, en vérité, d'employer si souvent le mot « vieux », et je m'en excuse. De même, quand je décrivais du Japon, je me rappelle que le mot « petit » revenait, malgré moi, à chaque ligne. Ici, c'est la vieillesse croulante, la vieillesse morte, qui est l'impression dominante causée par les choses. Il faudrait, une fois pour toutes, admettre que ce dont je parle est toujours passé à la patine des siècles, que les murs sont frustes, rongés de lichens, que les maisons s'émiettent et penchent, que les pierres n'ont plus d'angle. On éprouve quelque embarras à descendre de cheval, tant le passage est étroit. Il n'y a cependant pas de temps à perdre. En quittant la selle, tout de suite, il faut se jeter dans la vieille petite porte basse et entrer du même coup, pour n'être pas écrasé par le cavalier suivant qui arrive près derrière, poussé lui-même par tous les autres à la file. On tombe alors presque sur des baïonnettes dans un poste de soldats commandé par une espèce de vieux janissaire noir, qui aura consigne de ne plus jamais laisser sortir aucun de ses nouveaux hôtes français sans une escorte armée. De tels abords ne sont guère souriants, mais au Maroc, il ne faut pas s'inquiéter de l'extérieur des habitations. Les entrées les plus misérables mènent quelquefois à des palais de fées. Le poste franchi, nous arrivons dans un délicieux jardin. De grands orangers tout blancs de fleurs y sont plantés en quinconce au-dessus d'un fouillis de rosiers, de jasmin, de citronnelles et de giroflées. Puis une avenue d'allées nous conduit à une autre porte, très basse aussi, au pied d'un haut mur, laquelle donne dans une cour d'Alhambra, tout un arcade festonné en arabesque, en mosaïque, avec des eaux jaillissantes dans des bassins de marbre. C'est là que l'ambassade va subir, pour commencer, les 3 jours de quarantaine et de purification imposés toujours aux étrangers qui ont eu la faveur d'entrer à Fès. Dans le désarroi de l'arrivée, je viens présenter au ministre ma requête d'aller habiter seul, ailleurs, dans un gîte qu'un ami providentiel a bien voulu mettre à ma disposition. Il sourit, le ministre, soupçonnant peut-être un vague projet de ne pas me purifier, un noir dessein d'échapper aux surveillances et de faire des mains des promenades défendues. Mais il consent gracieusement, et je remonte à cheval, sous la pluie qui tombe à présent fine et continue, pour aller à la recherche de mon logis particulier.